Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue à ce programme spécial qui vous est offert par le Temple des Nations du ministère de la Raconte International, sous la houlette de son visionnaire, Dr. Tchalaye Souba, et qui est situé ici à Oumde Oulidi, en Tropicana. Vous pouvez également y accéder par l'entrée dit Tchalaye Souba. Pour vous qui venez du côté de Kwaban, Maïtu Bitin et Souba, Hawaï, Komo et Kounou, Kodengé, pour pouvoir entrer dans cette atmosphère de construction de l'autel de Dieu, ou du moins entrer dans cette atmosphère de délivrance que provoque l'autel de Dieu, instruit à son serviteur de bâtir dans ce hall de délivrance pour enrayer toute offensive de la sorcellerie, également des sorciers qui détruit la vie sur le plan personnel, familial et même sur le plan national. Et en ce soir, nous venons auprès de vous, au travers de cette émission, pour préparer la dernière, si on pourrait parler ainsi, parce qu'il sera question, mercredi, de la 12e pierre, pour pouvoir construire l'autel bâti de 12 pierres, afin justement de renverser tous les plans sataniques, pour pouvoir inscrire les hommes et les femmes qui seront à ce lieu de délivrance, dans une phase de délivrance. Une délivrance qui va donc être faite à partir de l'autel de Dieu bâti par le serviteur de Dieu, accompagné des prophéties. Et je le rappelle, les uns et les autres qui vont se déplacer devront le faire munis de leur 12e pierre. Une pierre qui n'a pas été taillée par l'homme, mais une pierre lisse, créée évidemment par Dieu. L'action de cette pierre a vocation à opérer dans le surnaturel. L'homme de Dieu a dit, c'est un blindage spirituel qui apporte protection, victoire surnaturelle. Une pierre donc spéciale qui doit accompagner les sacrifices, eux aussi spéciaux, pour une telle action. Pour préparer donc ce moment ô combien important qui va avoir lieu ce mercredi au Temple des Nations du ministère de la Raconte International et qui va véritablement influencer votre vie sur le plan spirituel ainsi que la vie de vos enfants, les enfants, du moins ceux qui sont dans les classes intermédiaires étant pour la plupart désormais en congé, ne manquez pas de venir avec eux pour que eux aussi puissent venir bâtir leur autel. Alors, les serviteurs de Dieu m'accompagnent dans ce programme spécial qui, dans sa première partie, vous donnera l'occasion de certaines analyses spirituelles et dans la seconde, d'assister à des moments de prière que nous espérons seront également pour vous qui nous suivez à la radio, ponctués de votre présence. Évangéliste Roland Atangana est sur ce plateau. Homme de Dieu, bonsoir. Bienvenue à ce programme spécial. Bonsoir Salomon, bonsoir au panel, bonsoir à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous regardent sur la télévision. Nous serons toujours, j'allais dire, flattés d'être invités c'est aussi important. Pasteur Daniel Atibeg, bonsoir, bienvenue à ce programme spécial. Bonsoir Salomon, bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent dans la cité capitale. Alors, vous nous suivez également à partir de la chaîne télévision CIDE TV, vous êtes des spectateurs fidèles. Merci de nous honorer de votre présence, bien sûr, dans le cadre de ce programme spécial. De l'autre côté de la mise en onde et de la réalisation de ce programme, nous bénéficions de la présence de Monsieur Zéphirin Bonnier. La prise de vue est assurée par Patrick Bessala. La supervision et la coordination de ce programme, bien sûr, sont dirigées par le même maître, l'homme de Dieu, Dr. Tchalaye Souba, visionnaire du Temple des Nations du ministère de la Raconte International. Vous pouvez également le suivre à partir de sa page Facebook, Dr. Tchalaye Souba, pour pouvoir donc être en direct ou du moins se connecter à l'ensemble des interventions de l'homme de Dieu sur cette page Facebook. Et ne manquez surtout pas de partager avec l'ensemble de vos amis et connaissances pour leur permettre eux aussi de pouvoir entrer dans la révélation qui est liée à cet important séminaire sur la lutte ou bien sur l'offensive contre la sorcellerie et qui passe depuis peu sur cet autel que Dieu a demandé à son serviteur de bâtir afin d'inscrire les uns et les autres donc, dans la dynamique de la délivrance, le tout accompagné d'actes prophétiques, mais également de prophéties. Et je le disais à l'entame de ce programme, nous sommes rendus ce mercredi à la 12e pierre qui va être en fait la dernière pierre pour pouvoir bâtir donc un autel qui sera bâti par les uns et les autres à partir de leur maison. L'homme de Dieu a dit qu'il va donner des instructions selon que le Saint-Esprit va le conduire pour que les uns et les autres donc, puissent bâtir cet autel à dans leurs différents domiciles. Et il a insisté que les enfants également puissent être là au cours de ce moment spécial, ce mercredi, pour ceux qui sont désormais, bien sûr, libres et qui sont dans les classes intermédiaires, parce qu'il est important également que chacun puisse bâtir son hôtel. Alors, évangéliste, on va commencer, permettez, par vous, et donnez-nous la latitude que vous nous définissiez encore, parce que le séminaire tourne véritablement autour de cette importante révélation de l'hôtel de Dieu, cette fois-ci. Alors, qu'on puisse encore, au milieu, Dieu, s'il vous plaît, comprendre le sens que l'on peut donner au terme, hôtel. Mais cette fois-ci, hôtel de Dieu. Alors, quand on parle d'hôtel de Dieu, évangéliste Donatangana, cela renvoie à quoi de façon pratique? Écoutez, nous disons toujours que l'hôtel, dans, n'est-ce pas, son étymologie, renvoie tout de suite, premièrement, à un lieu spécifique. De façon religieuse, on parlera d'un culte de religieux qui se célèbre en un lieu, mais aussi en particulier on peut parler de cet endroit ou de cet édifice ou cette plateforme où ce culte est célébré. Et il faut dire que c'est un culte qui est célébré à l'hommage ou à l'endroit des divinités, des dieux. Mais on a l'habitude de le définir que l'hôtel représente beaucoup plus une table. Quand j'ai parlé des lieux, ça peut être une table, ça peut être un monument qui peut être fait en pierre, taillé, en bois, massif ou non. Mais tout est question d'un lieu sacré, consacré, destiné pour la célébration d'un culte. Il va sans dire que ce culte ne se dit pas simplement par les paroles, mais s'accompagne de certains rites et donc des sacrifices qui peuvent être en animal ou en homme. Parce qu'il arrive qu'on puisse sacrifier un être humain, n'est-ce pas, à des dieux. Et quand vous entendez parler des dieux, il n'est pas question du dieu créateur. Donc, la divinité, n'est-ce pas, très triste de toute chose. Mais, parlant de l'hôtel de façon spirituelle, ou alors l'hôtel des dieux, il faut dire que dans l'origine, l'hôtel des dieux, on parlera peut-être du trône, oui, de façon spirituelle. Mais parlons des choses que nous vivons, parce que nous devons le pratiquer et le faire sur terre. La Bible nous renvoie dans le livre de Romains chapitre 12, premier verset, Dieu qui nous parle de l'offrande de notre corps en sacrifice comme étant un autel. Parce que cela renvoie à un culte raisonnable, un culte appréciable, un culte, je veux dire, agréé par Dieu. Ce qui veut dire que l'homme, dans l'origine pécheur de par Adam et Ève, qui ont perdu, n'est-ce pas, cet autel, ce lieu spécifique de rencontre, cette alliance, j'allais dire une coïncidence spirito-physique entre eux, donc l'homme et Dieu. Alors, pour rebâtir dans cet hôtel, parce qu'il est question de rebâtir l'hôtel de Dieu, il est question de pouvoir ramener l'homme à cette opportunité, à cette faculté de pouvoir désormais et à nouveau rendre un culte raisonnable à Dieu. On parlera de l'adoration, de la louange et des sacrifices. Lequel est le nôtre, notre corps en sacrifice à Dieu. Donc, revenir à épouser Christ pour que, avec Christ, nous soyons un culte et que nous puissions le manifester, le matérialiser, c'est ce qui veut dire rendre un culte à Dieu. Alors, nous sommes donc l'autel de Dieu, premièrement, dans la première phase, l'homme est l'autel de Dieu, devenu en alliance, revenu en communion avec Dieu, représentant cet autel, ce lieu où Dieu désormais, cet endroit, cette entité qui désormais, avec Christ, n'est-ce pas, l'homme peut rendre le culte à Dieu. Quand je dis avec Christ, c'est-à-dire dans l'obéissance de Christ qui est la parole de Dieu. Vous voyez donc l'obéissance en la parole de Dieu. fait de nous, n'est-ce pas, une personne qui rend le culte à Dieu. Et c'est une forme de sacrifice. Mais il va sans dire aussi que ce qu'il faudrait comprendre, un autel n'existe pas, il n'a pas de valeur, il n'a pas de pouvoir ni de puissance, et ne s'érige donc pas en autel véritablement dit, tant qu'il n'y a pas ce qu'il faut sacrifier sur cet autel. Mmh. Nous y sacrifions notre vie. Oui, mais en deuxième position, parce que c'est Christ qui sacrifie d'abord sa vie pour nous, pour nous remettre en abondance avec Dieu. Et nous devons répondre à cet amour, à ce sacrifice, en faisant pareil sur l'autel de Dieu. Nous représentons l'autel de Dieu. Et nous allons donc, en sacrifiant pas seulement notre vie, quand je dis notre vie, pas parce que nous serons immolés, mais ramener notre vie au Seigneur. Et notre vie consiste en quoi? Qu'est-ce que cela représente? Ça ne représente pas simplement le fait que nous respirons et que nous mangeons, faisons ceci ou cela, mais cela renferme tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Et ainsi donc, tout cela appartient, n'est-ce pas, également à Dieu. Ou si nous donnons notre corps, nous offrons notre vie, notre entité au Seigneur, c'est ensemble avec tout ce que nous avons. Oui. C'est pour cela que quelqu'un a dit, pour ne pas le citer, Josué, comme Moïse, il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que Josué, avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il peut, n'est-ce pas, faire, il le fait premièrement avec la pensée de rendre le culte à Dieu, donc d'obéir aux injonctions, aux instructions de Dieu. Et rappelez-vous que Dieu, lorsqu'il sortait des enfants d'Israël d'Égypte, il leur a dit, c'est-à-dire qu'ils partaient, ils ont répondu ce que leur a fait. Dieu dit à Josué, nous dit à Pharaon, c'est pour aller rendre le culte à Dieu, c'est-à-dire pour aller lui faire des sacrifices. Mmh. Donc, grosso modo, sans vraiment écorcher ou quoi que ce soit, je pense que c'est assez difficile de comprendre ce que c'est que, à ce niveau, le terme de Dieu. Alors, une façon physique actuellement, dans notre ministère à la Police nationale, un hôtel de Dieu, sous l'inspiration également du Saint-Esprit, a été bâti. Alors, évangéliste, quel sens donner à ce type d'hôtel et pour quelle action de façon concrète? Oui, écoutez. L'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, a représenté cette symbolique pour rappeler en réalité comment est-ce que Dieu avait instruit les enfants d'Israël de faire, de bâtir des hôtels. Il fallait la faire, n'est-ce pas, un hôtel physique qui était constitué de 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, pour ne pas dire les 12 fils de Jacob. Et donc, sur cette terre, il fallait y apposer un sacrifice. Et il y a des sacrifices de plusieurs genres que peut-être l'homme de Dieu est effectivement continuera d'expliciter, expliquer et de donner. Il fallait donc poser là-dessus un sacrifice. Donc, autant de nations, nous avons cette représentation, cette symbolique qui n'est pas sans dire qu'elle représente de façon spirituelle également, dans la compréhension des uns des autres, pour ne pas peut-être dire que parce qu'il y a certains qui parlent de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et qui ne savent pas qu'en réalité il n'y a pas de scission entre les deux. Ce n'est qu'une applicabilité de vie que nous devons, n'est-ce pas, d'y apporter et d'enseigner à tous ceux qui croient au Seigneur. Donc il représente donc cette relation, et là nous y arrivons pour détruire en réalité toutes les puissances. Ce n'est pas que c'est là, dans le physique là, que cela se fait. Il faut qu'on voit la chose de façon spirituelle également, parce qu'on peut bien prier là où on se trouve. Mais nous, l'homme de Dieu représente cet autel et amène les gens à la compréhension de ce que cela représente dans la vie des uns et des autres. Nous y apposons donc le sacrifice. C'est Dieu qui a commencé par faire le sacrifice, je l'ai dit tout à l'heure, et nous emportons simplement le pain. Et il est question de semer un hôtel et faire pour semer de la semence, c'est-à-dire pour y apposer du sacrifice. Peut-être qu'on ne va pas apporter du bélier ou des chameaux, je ne sais pas quoi, des taureaux et du taureau, tout le reste, pigeons et tout le reste. Mais cela, à partir de nous-mêmes, nous pouvons convertir et ramener ces choses, n'est-ce pas, à l'effectivité et à son efficacité par nos avoirs, par ce que nous possédons. Et cela prouve d'autant plus à Dieu que nous sommes prêts. Nous savons, nous lui donnons tout, c'est-à-dire que tout notre être, ce que j'ai dit, avec tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons en nous. Il faut dire que cela comporte également une puissance, parce que vous savez très bien que la parole de Dieu, je crois que nous avons vu ce verset hier, avec on m'a dit, je crois très bien, et puis nous rappelait Apocalypse, c'était là où il parlait de l'hôtel qui parle. Commençons donc par Apocalypse, puisque vous y êtes. Voilà. Apocalypse, chapitre 16. Il est écrit, verset 7. Disait et j'entendis l'autel disant oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. Ça, c'est Apocalypse chapitre 16, verset 7. Pour dire et signifier qu'un autel, qu'il soit symbolique, puisque d'ailleurs, c'est ça que ça représente, après que j'ai expliqué de façon peut-être spirituelle, l'autel. Un autel a des oreilles, un autel entend, un autel réagit également. Donc, Lévitique nous ramène donc au verset 3 du premier chapitre en disant que si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'ascension devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. C'est là où je voulais chuter pour dire que l'autel est un instrument et est un acte même d'attirance des faveurs de l'Éternel. Oui. Et c'est une loi, je crois qu'elle est perpétuelle, parce que tant que Jésus n'est pas encore venu, cela sera d'actualité, puisque sa parole, elle est certaine, elle est vraie. Elle est d'actualité. Elle ne meurt pas. Elle ne change pas. Alors, l'autel, donc, face à tout ce que nous avons connu comme déboire dans la vie spirituelle, dans la vie active, dans la vie familiale, et que ce sont des impasses, comme je l'ai dit devant nous, on a beau prier, on a crié, l'autel a une puissance. L'homme de Dieu, on va dire toujours, l'autel ouvre la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, il fait parler Dieu, parce que l'autel a la parole. L'autel a des oreilles, on fait de le voir dans le passage tout à l'heure. Et donc, quand on y impose des sacrifices à Dieu, cela nous permet, cela est une forme d'attirance, c'est-à-dire que nous sommes en train d'attirer les faveurs de Dieu pour notre vie. C'est pour cela que celui qui est menacé pour avoir été séduit par la sorcellerie, qui est tracassé, qui est, n'est-ce pas, vilipendé, qui est combattu, qui est assujetti par quelque acte de sorcellerie, par la guerre qui lui est menée depuis les enfers, c'est-à-dire le monde des ténèbres, peut arriver à l'autel et faire des sacrifices à Dieu. C'est une forme de parole de sacrifice. Ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Et il est possible que le Seigneur puisse intervenir pour également agir. Et on sait très bien que l'autel, comme il s'agit en ce moment précis, c'est un autel de guerre. Un autel, n'est-ce pas, où nous sommes à la contre-offensive de tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, a fait contre nous. Donc nous allons à la contre-offensive. Et vous savez que c'est un art militaire, la guerre, où les stratagèmes sont faits, n'est-ce pas, pour aller contre l'ennemi. Vous savez bien que la guerre, c'est un conflit entre des nations. Alors, nous sommes une nation, selon que la parole de Dieu nous l'a dit, chacun de nous entend un enfant de Dieu, et nous allons contre la nation des ténèbres. C'est pour cela que nous avons besoin de l'intervention, de la faveur de Dieu, pour renverser les situations les plus accablantes que nous avons, que nous vivons, ou les combats les plus rudes, et donc, qui sont devenus comme des impasses devant nous, n'avons pas peut-être à notre niveau la capacité de nous en sortir par notre intelligence, par notre façon d'être. mais nous avons besoin d'attirer la faveur de Dieu. Et lorsque le Seigneur descendra, l'autel parlera au travers de sa présence, nous serons imposés pour nous et en notre faveur. Alors, pasteur Daniel, l'homme de Dieu a prescrit depuis dimanche que c'était parti pour 3 jours d'action prophétique, avec bien sûr cet autel de Dieu. On remarque quand même que cela est accompagné, du moins ce dimanche, lors de son intervention, est accompagné par des paroles prophétiques. Quel est l'enjeu de ces paroles prophétiques? Elles visent à faire quoi? Et il a annoncé encore que dans le cadre de la dernière journée ce mercredi, il sera question encore d'action prophétique avec l'autel, accompagnée des paroles prophétiques. Quel est l'impact ou bien quelle est la place que jouent ces paroles prophétiques dans cette contre-offensive, comme disait l'évangile tout à l'heure, qui est lancée contre la sorcellerie qui agit au niveau personnel, familial et international, afin que ceux qui vont descendre ce mercredi sachent déjà à quoi est-ce qu'ils vivent et à quoi est-ce qu'ils doivent s'en tenir et pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils passent sur cet autel de Dieu. Déjà, la parole prophétique reconstruit la vie de quelqu'un, la vie d'un être humain. La parole prophétique indique l'homme, le chemin qu'il doit désormais emprunter, tout en le libérant des influences antérieures qui ont agi dans sa vie pour, et qui ont imposé déjà à des générations, parce que nous venons tous des familles. Des familles qui ont subi les affres de la sorcellerie. Beaucoup de personnes. Des hôtels ont été également bâtis, les hôtels sataniques. Pardon. Et aujourd'hui, lorsque l'homme de Dieu est inspiré, c'est justement parce que Dieu est souverain. Dieu Tout-Puissant, il est souverain. Il utilise n'importe quel moyen pour apporter des solutions à des difficultés que les hommes et les femmes rencontrent. Il peut utiliser tous les moyens. Nous avons vu comment en Égypte, il a dit à Moïse, fais ceci, fais cela, parce qu'il voulait démontrer sa puissance. Et nous avons vu avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent du désert et traversent le Jourdain, ils ont reçu l'ordre de ramasser 12 pierres et de les déposer au milieu du Jourdain. C'est un signe, et Dieu dit c'est un témoignage. Les générations seront informées. Et il a appelé cet endroit, s'appelait Gilgal. Il a dit c'est ici que Dieu a ôté mon humiliation. Donc, si l'homme de Dieu aujourd'hui reçoit la révélation de ramener le peuple de Dieu à monter sur l'autel, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, c'est un lieu de contact, un lieu de rencontre. On vient rencontrer la puissance de Dieu dans une autre dimension. On l'a souvent rencontré par la parole, simplement, la parole parlée. Maintenant, Dieu peut aussi agir d'une autre manière, parce que les éléments de la même nature doivent s'affronter. D'ailleurs, c'est hôtel contre les hôtels. Hôtel contre les hôtels. Parce que partout au Cameroun, il n'y a aucun village au Cameroun où on ne trouvera pas un hôtel, au moins, qui a été bâti par les ancêtres. Et lorsque les ancêtres ont eu à bâtir ces hôtels, ils ont dit des choses, ils ont déclaré des paroles qui poursuivent des générations, des paroles qui compliquent la vie de plusieurs générations. Et non pas seulement déclarer des paroles, ils ont posé des actions. Et vous allez voir que dans le système de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? On présente les gens, les humains, les individus, les victimes sur ces hôtels de sorcellerie. On les présente. C'est-à-dire, une image de toi, on te dépose sur l'hôtel avec des paroles et autres. Donc sur le plan physique, sur le plan réel, où il faut que tout le monde voit. Jésus a dit ce qui se fait dans les ténèbres. Prêchez-le sur les toits. Parce que là où Satan a souvent donné le pion aux gens, c'est que beaucoup ont eu peur, ou alors ils ont eu honte. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le courage qui a manqué de faire ces choses. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'on va dire que j'ai fait déjà la magie? Est-ce qu'on va dire que je suis allé en train de dévier? Non. La parole de Dieu, elle est claire. Pour que Élie, qui avait prononcé la sentence, selon laquelle la sécheresse devait s'abattre, ramène la pluie, il a fallu que Élie reconstruise l'autel et qu'il parle à Dieu sur la base de cet autel. Et c'est à partir de là que Dieu a agi. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu est revenu là, c'est pour reconstruire. Dieu utilise ce moyen pour reconstruire plusieurs vies, pour reconstruire plusieurs destinées. Les hommes de Dieu voient leur ministère restauré à partir de l'autel. Donc en fait, c'est l'autel qui favorise et qui rend facile cette reconstruction au travers des paroles prophétiques que Dieu met dans le cœur de son serviteur. Justement, Dieu utilise... Dieu ne fait rien... Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Dieu utilise notre intelligence. Parce qu'il nous a donné l'intelligence. Et tous les moyens que nous lui présentons. Jésus n'a pas besoin, par exemple, de prendre la boue pour guérir quelqu'un qui est aveugle. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît le pouvoir que la nature peut exercer aussi à travers la parole. Donc Dieu passe par l'acte. Ce que tu présentes à Dieu, il utilise ça pour agir. Si par exemple l'homme de Dieu dit prenez les bouteilles d'eau, à travers les bouteilles d'eau, les délivrances, les guérisons se produisent. Donc Dieu utilise ce qu'on lui présente. Parce qu'il nous faut juste le courage, être capable d'utiliser un élément de la nature. Tout ce que le diable utilise aujourd'hui, il n'a rien créé. Et Dieu a donné la terre à l'homme, avec tout ce que la terre en fait. L'homme est libre d'utiliser n'importe quoi pour atteindre certains objectifs. Mais ça dépend donc maintenant de l'esprit avec lequel il travaille. Alors celui qui travaille avec l'esprit de Dieu, Dieu fait seulement. Il confirme ce que prédisent ses envoyés. Il confirme. Homme de Dieu, dès que tu te disposes à obéir à la voix de Dieu, tu utilises n'importe quoi pour arriver à n'importe quelle solution, Dieu applique. Donc, c'est un moyen par rapport à cette période-ci que Dieu a inspiré à son serviteur pour reconstruire plusieurs vies. Étant donné que nous sommes, tous les Africains sont connectés à des autels. Donc il faut un autel qui est plus puissant que ces autels-là et qui va les affronter. Et cet affrontement n'est pas un affrontement physique. C'est un affrontement spirituel sur la base des paroles. Parce que tu peux finir de construire un hôtel, tu ne dis rien. L'hôtel restera muet. C'est pour ça qu'Apocalypse dit hôtel. J'entendis la voix. L'hôtel parle. L'hôtel ne parle pas de lui-même. L'hôtel parle parce que toi qui as construit l'hôtel, tu as permis à cet hôtel-là de parler. Et l'oreille d'un homme naturel ne peut pas entendre la voix de l'hôtel. C'est une histoire spirituelle. Et les sages, les intelligents ne peuvent pas concevoir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il confond les sages, il confond les intelligents, il confond les forts. Donc il peut utiliser tout ce qu'il veut utiliser pour ramener la stabilité sur plusieurs plans dans la vie de tous ceux qui sont concernés par ce qui est fait. Alors, évangéliste, quel est l'impact de cet autel de Dieu accompagné de paroles prophétiques face aux autels parfois que nos parents ont eu ou bien nos descendants ont eu à bâtir dans nos vies, que nous soyons conscients, que nous ayons participé ou pas? Quel est l'impact de cet autel de Dieu-là et surtout des paroles prophétiques que Dieu inspire à son serviteur pour quiconque monte justement sur cet autel? Non, ce qui est clair, c'est que l'impact majeur, je dirais les conséquences qui découleraient lorsque les actions sont menées. Oui, c'est très bien de vous dire lorsque les actions sont menées. Oui, telles qu'instruites par l'homme de Dieu, toi, le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, le temps pour moi, via l'homme de Dieu, il y a la destruction, n'est-ce pas, et l'annulation des paroles. L'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, que c'est une infanterie qui fait en sorte que les paroles qui ont été dites dans un premier hôtel, et il faut dire, le souvenir, parce qu'il vient de le dire également, que l'hôtel prend aussi son essence, son envol, son pouvoir à partir des paroles qu'on y érige, qu'on y prononce. Et l'impact d'une telle infanterie est que l'hôtel de famille, l'hôtel satanique, il est détruit parce que les paroles qui ont d'abord été apposées et prononcées sont annulées par d'autres paroles qui valent beaucoup plus de puissance que, n'est-ce pas, les paroles premières. Et ceci, ce n'est pas seulement une simple ascension, parler des divinités. Parce que c'est un problème spirituel, un problème de combat de la frontière. Donc, entre le tel de Dieu, donc Dieu, le tel de Satan, donc de l'autre côté Satan. Alors, et Satan n'a jamais été au-dessus de Dieu. Et peut-être que le tel Satan a existé, il a émergé parce que il a été érigé, n'est-ce pas, sans l'aval ou alors sans l'approbation de Dieu. Je veux dire quoi? Je veux dire que ça a été érigé par des gens qui n'avaient aucune acquaintance, aucune relation avec Dieu, qui n'avaient aucune relation avec Dieu. Tout à fait. Et par conséquent, ils pouvaient ériger leur hôtel et cela pourrait la prospérer comme ils le veulent. Mais du moment où vous invitez Dieu à détruire ce genre d'hôtel que vous avez remarqué, que vous avez, n'est-ce pas, découvert dans votre vie, alors Dieu prend le dessus. Alors, ce sont les paroles que vous avez prononcées sont poussées par le Saint-Esprit dans la plus grande puissance face à la puissance satanique. Ces paroles doivent donc être annulées. L'autel sera détruit. Et les conséquences même que cet autel a apporté, a imposé à votre vie, ces conséquences vont être brisées. Et il n'y a que la positivité, c'est-à-dire le contraire de ce qui avait été dit dans ce texte satanique, vous commencez, n'est-ce pas, à rebâtir en prononçant maintenant des paroles de reconstruction de la vie de la personne. Par exemple, quand Jérémie 22 et 29 parlent de quelqu'un qui parlait à l'hôtel qu'ils ont bâti sur la terre, sur le sol, terre, écoutez, et bien, écoutez la voix de l'Éternel. Que cet homme soit privé d'enfant. Alors, si les paroles comme ça ont été prononcées dans la vie de quelqu'un, il y a un stade de stérilité, peut-être naturelle, de stérilité donc physique de reproduction, de procréation, il faut des contre-paroles. Quand, pour annuler premièrement ces paroles de l'hôtel satanique qui a été bâti de stérilité, et maintenant il faut prononcer des paroles de reconstruction, de rebâtiment, n'est-ce pas, de la reproductivité dans la vie de la personne, l'hôtel de la longévité dans la vie de la personne, parce qu'il y a des hôtels, n'est-ce pas, de courte durée de vie, De mort subite par exemple. De mort subite de façon précoce, et puis maintenant il faut les paroles, après avoir dit toutes ces paroles qui ont été prononcées dès lors, et maintenant il faut prononcer des paroles de reconstruction de longévité, prophétiser sur la personne pour prolonger, n'est-ce pas, sa vie. Mais il arrive que les hommes de Dieu, lorsque Dieu leur montre, vous savez très bien que cette semaine, elle a démarré avec une notion tellement prophétique. La semaine dernière, je vous parlais déjà du manteau doctoral que portait, qu'avait revêtu l'homme de Dieu dans ses prêches. Et depuis dimanche, il y a un autre manteau dont il était revêtu, selon le manteau, n'est-ce pas, prophétique. Il arrive donc que l'homme de Dieu qui a eu les yeux ouverts, il détruit et puis il reconstruit. Il y en a à qui il a dit, il faut me voir, il faut revenir me voir. Pourquoi? C'est parce qu'il veut prendre du temps pour reconstruire de façon particulière, n'est-ce pas, le tel de Dieu dans votre vie par rapport à ce que Dieu a révélé dans votre vie et qu'il a pris le temps de détruire par des actions prophétiques au travers de votre offrande, c'est-à-dire que votre sacrifice à l'autel, et donc il brise caractérisation possible. Donc, j'en veux beaucoup du sang de Jésus-Christ aspergé pour vous permettant de le boire. Mmh. Et maintenant, il y a le cas de certains à qui il a dit, bon, il faut me voir à partir de tel moment, ou alors, dès que possible, venez me voir, et ce sera pour faire quoi? Ce sera pour reconstruire. Donc, ce qu'il a révélé, mmh, qui avait été détruit dans votre vie, l'autel qui a été bâti dans votre vie, un autel d'impasse à la productivité, à l'honneur, à l'excellence, à peut-être, j'allais dire, à la vitesse. Il y en a dont il a révélé le thème d'un retard dans la vie. Mmh. Alors, quand il va reconstruire, il va ramener tout à la vitesse exponentielle pour que vous puissiez rattraper, n'est-ce pas, ce retard. Il est possible, avec le Seigneur, que vous puissiez rattraper ce retard lorsque le thème a été détruit. Donc, mmh, cet impact est tellement, il est spirituel, il est physique, il est matériel, il est vraiment de beaucoup de domaines. Donc, il faut retenir que l'autel de Dieu dans votre vie apporte un nouvel impact qui permet que vous avez la protection, vous avez la santé, vous avez la prospérité, vous avez le succès, vous avez la réussite. Pourquoi? Parce que les choses qui vous ont retardé, les échecs, la non-progression, la non-prospérité, le non-développement, la limitation, le non-accomplissement, ces choses ont été révélées au moment où vous allez au sacrifice et l'homme de Dieu, à qui Dieu a investi le pouvoir de destruction de ces autels, par votre consentement. Mmh. Donc, votre consentement, c'est la participation à ces moments de prière qui ont été arrêtés par le Seigneur, mmh, qui a su à son serviteur. Il y a cette participation et l'obéissance, comme par exemple l'apport de la pierre, mmh, pour bâtir l'autel d'Adam. Nous le faisons de façon physique à la symbolique. Et les gens l'église, mais nous sommes le fait de façon spirituelle parce que ces symboles nous accompagnons dans des prières qui sont faites et dirigées comme telles. Et puis, l'action prophétique qui est posée au-dessus de telle. Et maintenant, la parole de Dieu au travers de son nom qui brise donc cet autel et qui le bâtit. C'est pour ça qu'il a parlé ces 3 jours pour reconstruire. Il a pris le départ pour la découverte de cet autel satanique dans la vie des uns des autres. Et le brisement au passage sur cet autel par les actions prophétiques et par son sacrifice imposé. Maintenant, Dieu lui dit, commence donc maintenant. Avec le 10e, le 11e et le 10e jour pour la reconstruction de cet autel. Donc maintenant, ce sont des paroles de prophétie, des paroles prophétiques de reconstruction de la vision. Donc, l'autel de Dieu a l'impact qui change la vie des gens. L'autel de Dieu à quelque chose d'autre de particulier que il vous sort, il apporte l'émergence, l'émergence de votre vie, c'est-à-dire il vous fait partir d'un lieu à un autre. Et le lieu primitif, c'est le lieu de négativité pour un lieu d'excellence. Donc voilà en réalité l'impact de l'état de Dieu dans votre vie, l'émergence. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vie, à suivre également sur la chaîne télévision CIB TV. Nous préparons le culte de ce mercredi au temps de l'Assemblée des Racontes Nationales qui sera rehaussé justement par la 12e pierre à construire ou du maître, ou du moins à venir avec au temps de l'Assemblée des Racontes Nationales pour construire donc cet hôtel dans la vie des hommes et des femmes qui vont descendre dans ce haut lieu de bénédiction, à la faveur déjà d'un hôtel que Dieu a inspiré à son moins de bâtir au temps de son ministère à la Compte Nationale, et sur lequel plusieurs personnes sont en train de passer, et des paroles prophétiques sont également inspirées pour pouvoir aller à l'origine de la vie des hommes et des autres et mettre en exergue les manifestations de l'ennemi afin de pouvoir, comme disait l'évangile tout à l'heure, rebâtir un autre hôtel, puisque c'est de cela qu'il est question. L'homme de Dieu a demandé que les parents, comme les élèves qui sont pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, descendent ce mercredi pour eux aussi bâtir l'autel de leur vie. Alors, pasteur Daniel, on est bien d'accord qu'il existe, ou du moins que dans nos familles, lorsqu'il a souvent été question des autels sataniques, ces différents autels qui ont souvent été bâtis. Mais en face, on parle plutôt d'un autel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette... l'évangéliste parlait de affronterie. De l'autre côté, on a les autels. Et en face, on a l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, détruit facilement l'ensemble des hôtels sataniques qui ont été bâtis par les membres de nos familles, quels que soient les différents hôtels. Et puisque déjà le Dieu créateur de toutes choses est le Tout-Puissant, et il est vraiment avantageux déjà pour l'homme de choisir le camp du Dieu qui a créé toutes choses. Parce que rien ne lui résiste, absolument rien. Lorsque vous faites appel à ce Dieu, soit dans votre famille, soit dans votre foyer, ou même dans votre entreprise, pourquoi ne pas parler dans des ministères, des services publics et autres. Lorsque vous faites appel à ce Dieu, quand vous faites face à des difficultés, vous interpellez ce Dieu, il va agir. Et quand il a dit, invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Donc, son hôtel seul, nous avons vraiment un exemple tout à fait clair avec le prophète Élie. Il était seul face à 450 prophètes de Baal, 450 sorciers, plus 400 encore. Donc, il avait 850 sorciers face à lui. Et il a dit, nous allons faire une démonstration de puissance. Nous allons voir aujourd'hui qui est vraiment Dieu. Il n'a pas eu peur parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu aujourd'hui, qui connaissent exactement, qui connaissent vraiment qui ils servent, peuvent parler. Comme le docteur Essouma se lève aujourd'hui, dit que nous allons détruire les hôtels. Ils sont nombreux, ils sont obligés. Satan est obligé de multiplier parce qu'il sait qu'il n'est pas tout puissant. Il est obligé de multiplier. Dieu a tant aimé le monde, il a fait un seul sacrifice. Il est le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Il a bâti un seul hôtel. Il n'a pas bâti deux. Parce qu'il connaît sa force de frappe. Il sait que rien ne va résister. Rien ne pourra résister. Vous voyez, dans un pays comme le nôtre, Satan a tellement bâti d'hôtel ici. Tellement. Il y a des gens qui nous écoutent parfois, peut-être ils ne se sentent pas concernés, parce qu'on ne touche pas peut-être le domaine dans lequel il est en train d'évoluer, ou alors ce qui le menace beaucoup dans la vie. Il y a une chose que les gens ne savent pas, que par exemple, certaines entreprises qu'on ne va pas mentionner sont des hôtels sur le plan national qui maintiennent les Camerounais dans un état vraiment précaire. Grande fièvre que nous avons dans notre pays. Vous pensez que si vous avez dans un village des gens qui passent le temps à boire l'alcool, les gens qui vendent de l'alcool là, mais c'est des gens qui ont bâti des hôtels chez eux. Oui. Alors, on trouve beaucoup. Et pour arriver à détacher les gens, ceux qui sont concernés, on a besoin de faire appel à un seul hôtel. Celui que Jésus est venu bâtir. D'abord. Parce qu'il est venu bâtir un hôtel. Et on ne peut pas. Tout à l'heure, on parlait des paroles prophétiques. On parlait de l'acte prophétique. Ça se fait. Mais ça va se faire comment? Il y a des gens qui ont honte. Disent, ah, moi aussi, je vais aller faire les choses là. Jésus n'a pas honte. Ah, il n'a pas eu honte de descendre sur la terre. Il est descendu. Il est venu se mélanger avec nous. Il est venu se mélanger. Donc, peu importe le nombre d'hôtels qui existent dans nos familles, ou dans nos villages, dans nos quartiers, ou alors même dans notre pays, peu importe, on a besoin d'un seul, celui-là qui est dirigé, soutenu par l'Esprit de Dieu, le Créateur. Si c'est avec cet hôtel que nous traitons, on a l'assurance comme l'apôtre Paul le dit, il dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, pour ne pas dire les démons, il a l'assurance. Et donc, nous avons l'assurance qu'un seul autel qui est pendu sur la base d'une révélation. Parce qu'il y a un problème. Nous savons que le Camerounais, c'est bon du ciel. Donc, si ce n'est pas par révélation que ça se fait, l'autel ne produira rien. Si ce n'est pas une révélation de Dieu, si Dieu n'a pas révélé les faits, ça ne produit rien. Donc, on pourra s'y multiplier. Et là, Satan pourra se moquer des gens. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui révèle, l'homme de Dieu peut même dire, prends seulement un petit caillou, petit comme ça. Va déposer à tel endroit dans ta maison. C'est un tel. Lui seul sait pourquoi, parce qu'il ne va pas entrer avec toi dans les détails. Toi, tu as juste besoin d'obéir. C'est à cette obéissance que nous appelons tout le monde. Il faut juste obéir à ce que l'homme de Dieu déclare. La voix qu'il monte. Élie a bâti l'autel. Et pour que le Dieu d'Israël réponde, il a fallu que Élie mette au-dessus de tout ce qu'il avait déjà fait le sacrifice. Voilà, c'est en fait cet aspect sacrifice. Vous n'en faites pas. Voilà. Donc, le nombre d'autels que comme nous retrouvons dans nos familles, bon, c'est important pour l'information. Mais sur le plan de l'affrontement, là, ça, c'est pas important parce que Dieu seul, c'est lui qui a créé tout. Il a tout entre ses mains. Il décide. Il n'a pas eu besoin de 2 minutes pour détruire Pharaon et son armée. Alors que les enfants d'Israël avaient déjà peur. Que mais les gars là, ils sont armés, ils ont des chars, ils ont. Ça n'a pas pris une heure à Dieu pour les éteindre. Donc, un seul autel qui est bâti sous l'inspiration du Saint-Esprit. Même si vous avez des millions dans votre village, dans votre famille, je ne sais pas, dans votre foyer, ça peut prendre fin sur la base de sa parole prophétique. Et dans cette phase de démonstration de Dieu, la puissance de Dieu à partir de l'autel de Dieu, est-ce que c'est important que tous les membres d'une famille soient présents dans une offensive comme celle-ci, ou du moins, cette délivrance commence forcément par la présence d'une personne qui appartient à une famille, et cette présence, par la force de cet autel, est capable de déclencher la délivrance de toute une famille entière. Il est peut-être judicieux de dire que ce serait très important s'il était possible que tous ceux d'une famille soient en un seul lieu. Je le dis parce que chaque fois que Dieu voulait opérer des grandes choses avec le peuple d'Israël, il disait à Moïse de rassembler tout le peuple. En un seul lieu, il faisait éclater sa puissance et sa gloire. Mais il va sans dire que la puissance de Dieu ne connaît pas de barrières ni de frontières. Le déclenchement est bien possible, je vais dire évident, par une seule personne qui déjà comprend la chose, s'y engage et va donc faire, c'est-à-dire que office de relais pour pouvoir engluer toute la famille. C'est très important. Donc, pas une seule personne. D'ailleurs, aujourd'hui, Jésus-Christ seul, vous avez vu comment toute l'humanité a été touchée, ou du moins, il a toujours été touché jusqu'à nos jours, de sa parole, par juste son sacrifice et par le Fils unique. Ce qui veut dire que la parole de Dieu déclare aussi que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi, toute ta famille. Ce n'est pas par un coup de bâton magique ou alors par juste un clic de la main, mais c'est parce que, étant donné que tu as découvert ce qui est bien la vérité, Dieu sait que tu vas entraîner toute la famille dans ce salut dans la vie. Aussi est-il important de souligner que c'est possible que par toi seul, qui as déjà compris, que tu commences par mener un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, prophétiques, dans la compréhension de ce que c'est pour que ta famille soit délivrée. Mmh. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans Juges 6, quand on parle de Gédéon, tout à fait, Gédéon était le seul qui a été en contact avec Dieu. Et donc, Dieu va lui donner l'instruction en disant que va. Il n'a pas dit allez-y, mmh. Dis va avec la force que tu as. Mais pour que Gédéon puisse comprendre et voir que ne pas être apeuré, certainement, d'une manière ou d'une autre, Dieu a permis qu'il soit entouré de quelques personnes. Il dit qu'il n'a pas besoin de la rue de tout le peuple, mais il a choisi une quantité, un certain nombre, pour accompagner Gédéon. Mais en réalité, c'est Gédéon qui avait eu la mission de partir pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël face à Madian, face à Malek, face au fils de l'Orient. Donc, vous savez aussi bien que quand on parle de Samson, c'est Nazirite, parce que avant sa conception, Dieu a donné à sa mère de ne pas prendre de liqueurs, de boissons alcoolisantes, et tout. Et il avait pour mission, n'est-ce pas, seul, de pouvoir reconstruire la vie, refaire la liberté, donc le salut, l'aisance de tout un peuple, en combattant les ennemis de ce peuple, le peuple d'Israël. Mmh. Ce qui veut dire que, effectivement, quand vous êtes en contact avec Dieu, et que, par exemple, tel est l'appel de Dieu, parce que tout se vient. Justement, tu vas éviter que je vous relance, parce que je vais vous poser la question, parce que, justement, par rapport à l'appel de Dieu qui a insisté que même les enfants également devraient être là pour pouvoir bâtir leur hôtel. Alors, c'était la question que je voulais savoir, est-ce que, si c'est possible que tous les membres de la famille soient là, C'est même d'ailleurs l'instruction capitale de l'homme de Dieu pour que tous viennent. Tu viens de dire qu'il est possible que les membres soient éparpillés par le monde entier et qu'on ne puisse pas les déplacer aussi facilement. Mais il y a quelque chose qui peut se déplacer. C'est le sacrifice. Tout à fait. Le sacrifice vous représente. Dès que vous faites l'action, j'ai mon frère au Gabon, j'ai l'autre en Allemagne, au Luxembourg et tout. Vous êtes donc amené à, n'est-ce pas, les instruire à ce que chacun puisse, de sa présence, au travers du sacrifice, être là, n'est-ce pas, pour table de nation. Alors, pour ceux qui sont sur place, l'homme de Dieu a été strict là-dessus, pour dire que même vos enfants, il faut, vous devez les amener, parce qu'il s'agit de l'âme de tout un chacun. Tout à fait. Et chacun a besoin d'avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans Romains 12, verset 1 et 2, que c'est tout et chacun doit avoir cette acquaintance, cette relation avec le Seigneur, et non plus par le biais des parents, par le biais d'un frère. Si vous êtes présent à RD, faites un déplacement. Il y en a qui peuvent partir de Douala pour être là, parce que l'homme de Dieu physiquement, il est le prophète, il est à Yaoundé, et il mène ses actions à Yaoundé. Alors, vous pouvez bien, si vous avez besoin de déplacer, venir. Parce que certains membres sont également à Yaoundé. Donc, nous tous qui sommes à Yaoundé, nous sommes priés d'amener ceux de nos familles, chacun avec son sacrifice qu'il traîne, pour venir bâtir, reconstruire sa propre vie. Parce qu'il est d'abord question de reconstruire ma vie. Quand dans une famille qui a des problèmes, des difficultés, et que vous découvrez le salut, vous buvez d'abord votre verre d'eau avant d'amener les autres à venir boire. Parce qu'il faut qu'ils témoignent de ce que Dieu a fait dans votre vie pour également arriver. La femme samaritaine l'a fait. Elle a fait. Non seulement qu'elle a donné de l'eau à Jésus, mais elle est partie. Parce que, ayant découvert, ça veut dire que, ayant été dénoncée, ayant dénoncé le système qui était en elle, elle est partie maintenant pour que les hôtels de tous ceux de sa famille également soient dénoncés afin que la liberté leur soit octroyée. Donc, c'est une instruction du Saint-Esprit par son serviteur à ce que tous ceux qui sont sur place et dans les villes environnantes qui peuvent faire le déplacement, que les uns et les autres soient là pendant ces 3 jours, qu'ils soient là pour rebâtir chacun son hôtel et que chacun vienne apposer sur l'hôtel son sacrifice. Vous avez vu ce qui s'est passé dimanche dernier, où l'homme de Dieu, le désert et le désert durant, Dieu lui a dit, tu te tiens là et je te fais voir dans la vie de tous ceux qui passeront sur cet hôtel, les hôtels sataniques qui sont bâtir dans leur vie. Et puis vous voyez, quand ils ont le thème de hôtel contre hôtel, je ne sais pas comment les gens écrivent cet hôtel. Le premier hôtel n'est pas au singulier. Du tout. Il est au pluriel. Donc les hôtels contre l'hôtel de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand il est dans cette instruction, je pense qu'il ne nous reste qu'à obéir à ce que tous ceux qui sont, qui ont la possibilité d'être là dans les environs, vraiment, qu'ils puissent venir chacun bâtir son hôtel. Ce sera une dernière question encore. Dernière, c'est un peu vendredi, avant qu'on ouvre la deuxième partie cette émission réservée aux prières. Alors, nous sommes d'accord qu'il y a un hôtel qui est bâti au niveau de la maison de Dieu, au temps de Nation Mystère de la Rencontre Internationale, mais en suivant l'homme de Dieu parler aujourd'hui, avec les 12 pierres qui vont finalement consacrer la fin et l'option de bâtir l'hôtel dans la vie de chaque personne, chacun va entrer avec cet hôtel également à la maison. L'hôtel de Dieu, déjà au ministère de la Rencontre Internationale, et un autre encore à la maison, c'est pour quoi? C'est pour renforcer l'offensive, la contre-attaque beaucoup plus. C'est pour mettre une certaine pression à l'ennemi, même au niveau de nos maisons. Justement, parce que les maisons que nous occupons aujourd'hui ont été bâties sur des fondements que nous ignorons. Bien sûr. Donc, il faut on ne peut pas aller, par exemple, au temps des nations, comme c'est là où ça se passe maintenant, on finit de recevoir la vie que Dieu donne à travers les révélations. Mmh. Et puis on arrive à la maison, on trouve une autre influence basée sur peut-être un hôtel qui a été bâti par un ancêtre. On ne sait pas trop. Ou par exemple les propriétaires des maisons dans lesquelles on habite. Un bailleur vieux. Donc, parce que la plupart des maisons que nous occupons aujourd'hui ont des serpents dans les fosses et tout ça. Et plusieurs fosses sont des hôtels pour les serpents qui logent des serpents, qui logent des choses. Donc, nous avons besoin d'un hôtel à la maison. Mm-hmm. Cet hôtel-là va faire un travail selon les paroles que l'homme de Dieu va prononcer au dernier jour. Tout à fait. Il va prononcer des paroles. Donc, il envoie donc cet hôtel. Cet hôtel va en mission à la maison. Non seulement il va travailler contre les hôtels du terroir, et il va continuer parce que en peu de jours, on ne peut pas révéler tout ce que nous avons dans nos villages, dans nos familles comme hôtel. Donc le travail va continuer. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer sur la base des paroles que l'homme de Dieu va prononcer. Mmh. Donc c'est pourquoi c'est important que cela se passe aussi à la maison. Mmh. Donc s'il a exigé, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, 12 pierres, c'est justement tout ce qui a été fait déjà avec Moïse, avec, j'allais dire, Josué, le prophète Élie, et bien d'autres ont eu à le faire. Et ces hôtels ont travaillé. Parce que Jacob et son beau-père, Laban, il a fallu qu'il y ait un hôtel. Jacob a érigé un hôtel. Et ils ont tiré des conclusions. Toi, tu ne partiras pas de chez toi traversant son hôtel pour venir m'attaquer chez moi. Moi aussi, je ne partirai pas de chez moi traversant son hôtel pour venir t'attaquer. Donc, chacun doit rester de son côté. Mmh. Donc, je crois que ça ira dans le même sens. Mettre une barrière. Si tu traverses, tu sais ce qui t'attend. Alors, comme le sorcier est ce qu'il est. Parce qu'il veut toujours tester pour voir si ce qu'on lui a dit là, ce qu'il a entendu là, si ça peut agir. Certainement, il y aura beaucoup de dégâts. C'est un terme qui est revenu longtemps dans le cadre de cette émission, Évangile selon Tamana, sacrifice. Et lorsque vous avez pris même d'ailleurs la parole pour la première fois, vous avez évoqué cela. Et l'homme de Dieu, Dr. Thierry Somba, également, dans plusieurs de ses prises de parole, en rapport avec cette thématique, le dit sans embâche. Il ne peut pas avoir de destruction des œuvres de sorcellerie si on ne pose pas le sacrifice sur l'autel qu'on bâtit. Alors, dites-nous, Dieu, quelle est l'importance du sacrifice sur l'autel, la capacité, quelle est sa capacité, quelle est sa capacité de nuisance, on dirait, par rapport à l'action de l'ennemi, quelle est l'importance, en définitive, ou in fine, du sacrifice quand on a bâti l'autel. Oui, je pense que le sacrifice, là, il faut revenir dessus. Quand j'ai parlé de concession qu'on accepte de faire, de par l'instruction qui est donnée, c'est-à-dire que la loi ou le règlement, il est de Dieu. Mais il faut dire que, en termes spirituels, c'est cette action que l'on accepte de faire, de mener, ou l'acte qu'on est en train de poser, en, n'est-ce pas, donnant, en sacrifiant, en consacrant ce qu'on a de plus cher, n'est-ce pas, pour le Seigneur, afin d'attirer, n'est-ce pas, définitivement et favorablement, n'est-ce pas, son regard vers soi. Et donc, ce sacrifice est, j'allais dire, la cerise que l'on met sur le gâteau quand on parle de l'autel. Il n'y a donc pas d'autel valable, plausible, s'il n'y a pas de sacrifice. Si l'autel est bâti, c'est parce qu'on doit y apposer un sacrifice. Et il n'y a pas non plus de sacrifice, n'est-ce pas? On ne valerait donc pas de sacrifice non plus s'il n'y a pas d'autel établi au préalable. Alors, il a cette importance que le sacrifice que nous amenons vers le Seigneur, c'est ce qui permet, ensemble donc avec cet endroit, ce lieu sacré, consacré, c'est ce qui permet à ce que le regard de Dieu, n'est-ce pas, si d'aventure il est possible qu'il puisse nous écouter, et d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, il y a le préalable pour aller au sacrifice, il y a le préalable qu'il faut savoir qu'on doit le poser. Regardez par exemple quand on faisait le sacrifice d'expiation, le préalable était de reconnaître, n'est-ce pas, son mal, son péché, et de le dénoncer pour maintenant que votre sacrifice régulier offert, qu'il soit agréé, qu'il soit accepté. Pour dire qu'il y a des sacrifices qui peuvent ne pas être acceptés par le Seigneur. Tout à fait. Et c'est pour cela que, heureusement et fort heureusement, que l'homme de Dieu, lorsqu'il prend la parole, il reprend, comme il fait le récapitulatif, pour que ce qui arrive pour la première fois, ça rime. Et qu'il soit en phase avec l'étape qui est en train de suivre, qui est en train de courir, pour dire que les préalables, n'est-ce pas, veulent quand même qu'on se mette en état d'acceptation par rapport à son sacrifice qu'on vient d'offrir au Seigneur. Donc le sacrifice ouvre la bouche de Dieu. Regardez Abraham lorsque, j'aime toujours prendre l'exemple au jeune de Mamré, lorsqu'il est là face à elle, il n'est pas vraiment abandonné à lui-même et du tout. Dieu va lui apparaître et qu'il va reconnaître d'abord la présence de Dieu et exiger de se faire du souci à poser le sacrifice. Et effectivement, ces hommes ne s'étaient pas par rapport à peut-être Abraham qui était là, c'est simplement de passage, mais des questions qu'Abraham puisse identifier, n'est-ce pas, la présence de Dieu et qu'il se précipite de faire, de poser le sacrifice, ce qui va pousser le Seigneur. Dieu a, n'est-ce pas, se dégager et sortir avant de cette impasse et lui donner certaines directions. Il en est de même pour, je crois, avec l'autre. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu dans la Bible où les sacrifices ont été opposés et la voix de l'Éternel s'est ouverte et s'est fait entendre. Il y a la voix de l'Éternel qui s'est ouverte. C'est la voix. Sa parole qui s'est fait entendre pour donner des instructions, pour ouvrir, n'est-ce pas, certaines portes qui étaient fermées. Donc le sacrifice a son rôle, le sacrifice a sa place, le sacrifice a un impact, le sacrifice touche Dieu, le sacrifice amène Dieu à réagir, le sacrifice amène Dieu à être plus rapide, à résoudre votre problème, plus prompt, n'est-ce pas, dans sa réaction que lorsque simplement vous priez. Et j'avais pris un exemple toujours en disant que trois personnes veulent la faveur de leur patron pendant le service. Le premier apporte 12 casiers de bière. Le deuxième apporte un casier, on appelle ça quoi? un carton de 12 bouteilles de champagne. Le troisième apporte 12 cartons de 12 bouteilles de champagne, par exemple. Vous croyez que celui qui apporte 12 cartons de bière sera véritablement et favorablement reçu au premier plan que celui qui a apporté 12 cartons de 12 bouteilles de champagne? Ce n'est pas possible. Et Manassi, donc, au chapitre 1er, nous dit à ce pire qu'il demande, il demande d'offrir ce genre de sacrifice. Boiteuse, aveugle, chétive à ton patron, et attends voir s'il te fera bon accueil. Il ne parle pas de peut-être des réponses. Il parle encore de l'accueil. Alors, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui ne pourront pas être agréés. Et donc, il faut se résoudre de faire un sacrifice tel que David le disait. Je ne peux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me prend pas du temps, qui ne me prend pas, n'est-ce pas, qui ne me coûte pas, qui ne me vaut pas, qui n'a pas de valeur. Il faut, et en rapport avec la situation qui prévaut, le stèle qui prévaut dans la famille, pour que, et puis il faut que les gens comprennent une chose. Le sacrifice est donné, est fait, il est posé avant même que Dieu n'ouvre la porte. Je le dis parce que quand vous voyez Gédéon, par exemple, c'est quand Gédéon va faire le sacrifice que Dieu ouvre la bouche pour lui parler et dire le peu sacré dans la maison de son père. Il faut faire ce présent. C'est-à-dire que le jour qu'il a fait le sacrifice, la nuit est dans la même nuit. C'est-à-dire que de façon rapide, exponentiellement, Dieu s'est senti obligé, s'est senti attiré, s'est senti captivé de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, voici. Donc, il y a même des hôtels qu'on n'a pas encore découverts, où Dieu n'a pas ouvert les yeux sur ses hôtels de découvrir. Mais Dieu attend votre réaction par le sacrifice. Est-ce que, vraiment, vous avez ouvert une porte, je vous lance à ce niveau-là. Est-ce que la qualité du sacrifice doit être à l'ampleur des hôtels également qui œuvrent dans la famille? Justement, c'est tout à fait plausible. Et j'ai dit, c'est ce qu'il faut même d'ailleurs comprendre. Vous imaginez quelqu'un qui, du haut de ses 48 ans, avec un master 2 en économie, ou je ne sais pas encore dans la bourse, ou en comptabilité, n'a jamais trouvé un emploi. Alors, vous imaginez que vous attendez le genre de personnes. Quand vous découvrez qu'il y a un hôtel qui vous bloque, des limitations, quand vous regardez derrière, vous mais personne n'a jamais même pu travailler. Tous sont passés par les mêmes voies intellectuelles, nantis de ceci, de cela, d'expérience, mais pas d'emploi. Donc, ils ne gagnent pas leur vie. Et ils finissent. Vous imaginez un peu ça que vous avez fait. Quand l'homme va dire, selon que l'esprit de Dieu le dirige. Et puis, il ne faut pas toujours, il faut être un peu malin. Lévitique 27, 14 dit bien qu'on s'en tiendra, n'est-ce pas, à l'estimation des sacrificateurs. Mais moi, je voudrais être malin un peu pour dire que, en tenant compte de ce que l'homme de Dieu a dit, c'est-à-dire l'estimation de l'homme de Dieu, essaie d'aller un peu au-delà. Il faut aller au-delà. Si vous voulez dire que sacrifice de 10 000 francs, par exemple, je prends un exemple, vous connaissez votre problème, que ça ne vaut pas 10 000 francs. Frère, vous pouvez faire plus. Et c'est pour ça que l'habitude dit de 1 million en montant. Tout à fait. De 500 000 en montant. Tu peux évaluer que ton problème est dans l'ordre de 500 000 en montant. C'est-à-dire que jusqu'à l'infini, quelqu'un qui est déjà à 50 ans n'a même pas une femme. Son oncle est célibataire, son grand frère qui a 100 ans, sa femme l'a abandonné depuis 20 ans aujourd'hui. Et tout, mais c'est pas vous grave. C'est pas vous grave. Vous imaginez que vous êtes séropositif, par exemple. Il n'y a pas de médicament dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'antidote. Et l'homme de Dieu vous fait savoir que il y a des hôtels qui peuvent maintenir et faire en sorte que vous puissiez mourir de telle ou telle maladie. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels sataniques qui infligent des maladies incurables dans les familles. Tel est mort de cancer, la tante est morte de même cancer, l'autre est mort de l'ablation de l'utérus, l'autre. Vous voyez un peu. Et puis aujourd'hui, on vous dit que vous avez un cancer des seins. Vous imaginez le genre de cancer que vous devez faire la vie. Vous ne voulez pas la rigolade. Je dis j'étais 200 fois, 500 fois, 1000 fois. Parce que si on vous estime, le secrétaire estime que par rapport à cette demande, vous avez besoin de donner un zébu. C'est-à-dire que le bœuf qui a les bosses sur le dos, vous savez combien ça peut coûter? Au bas mot, c'est-à-dire pour ne pas exagérer, c'est là 300 000 francs. 350 au bas mot. Ouais. Alors, vous vous amusez à venir déposer 50 francs ou 500 francs parce que vous voulez que Dieu. Oui, vous direz que Dieu est souverain, c'est ce que vous avez, oui. C'est... Il faut faire parfois de l'impossibilité. Mmh. Abraham a porté son fils à les donner à Dieu pour l'égorger. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il dit, ah, je reconnais que tu ne peux rien me refuser. C'est aujourd'hui que je reconnais que tu me crains. Il faut que Dieu estime aussi que vous le craignez, qu'il le remarque que vous le craignez parce que vous n'avez pas d'argent, c'est un Dieu, c'est que vous n'avez pas d'emploi. Mais prends le risque. Et les risques que tu peux prendre. Tu peux aller emprunter, vous dire que je m'en vais. Chef, je vais te remettre. Dieu a souvent répondu comme ça aux gens. Donc, c'est une façon de dire que le problème que vous avez est, doit être jugé proportionnel au sacrifice que vous voulez, vous devez de causer. Mm-hmm. Regardez, aujourd'hui nous crions dans le monde entier, l'Afrique en général, pleure. Un de ses fils dit au prophète Tibi Joshua, qui est parti. Des familles, il y a quelqu'un qui dit au quartier que sa grande soeur était malade. Ils ont tout fait, on ne voyait rien. Elle mourait. La famille a fait un sacrifice. Chacun a contribué de l'argent pour l'envoyer au Nigeria. Et dès lors, ils ont fait 3 semaines insistant, ils voulaient voir l'homme de Dieu. C'est à la 3e semaine qu'ils ont pu avoir, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Comme Dieu a prié sur cette personne. Aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Et c'est ce type de choc qui disait aux Camerounais, vous vous déplacez pour venir vers moi. Alors qu'il y a un jeune homme qui m'a amené les vidéos ici, là. J'ai vu quelqu'un qui fait les mêmes choses que j'ai fait aussi. Mmh. Resté au Cameroun, il est là-bas. Le docteur s'est super là-bas au Cameroun. C'est parce qu'ils n'aperçus, ils n'ont pas commenté ça parce que tu connais le Cameroun avec la jalousie. Ils n'ont pas commenté cela. Oh, il leur a dit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens pouvaient partir des États-Unis. Pour le Nigeria, c'est des sacrifices. Mmh. Quelqu'un travaille 1 an, il garde son salaire, il se nourrit mal, il essaie de serrer la ceinture parce qu'il se dit, je vais aller vers le Seigneur. Le sacrifice compte à partir de là. Ça compte à partir de là. Mmh. Et je vous assure, quand ils y arrivent, ils n'y arrivent pas seulement les mains vides. Ils savent bien qu'il est écrit, on ne voit pas un homme de Dieu, le prophète, les mains vides. Mmh. C'est donc pour dire quoi? Ça veut dire que vous allez avec un sacrifice qu'elle offrir au Seigneur pour attirer ses faveurs. Et quand vous entendez que si aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur est sauvé, on dit, il y a le vice-président de la Maison Blanche, la vice-présidente, cette femme noire, mmh. qui est venue au Cameroun, elle a vu votre vidéo, elle veut vous rencontrer pour que, et voici son sacrifice qui est devant elle. Parce que l'homme s'annonce toujours par son sacrifice. Mmh. C'est un sacrifice. Vous voyez, elle a consenti. Ça rentre dans le sacrifice. Donc, c'est des petits exemples des illusions, j'allais dire des assurations, que j'aime comme cela pour essayer d'étayer le lanterne et amener les gens à comprendre qu'on ne peut pas s'amuser avec sa destinée. Quand l'homme de Dieu vous révèle votre destinée prophétique, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi que quand l'homme de Dieu passe, comme nous sommes passés la dimanche passée, l'homme de Dieu dit que je vois 9 calabasses dans lesquelles voici ta vie induite. C'est pas le fait que le Dieu a parlé qui veut dire que c'est terminé. Donc, la solution là, je voudrais éclairer en 2 secondes ce qu'ils doivent comprendre. Le sacrifice que vous avez posé dimanche a ouvert la bouche de Dieu de découvrir les hôtels maléfiques et sataniques qui sont dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que ça a été détruit. Maintenant, c'est à vous de comprendre qu'il faut maintenant aller à la tête supérieure. Mmh. Et aller au sacrifice de destruction. Et revenir au sacrifice de reconstruction. Ça, j'ai dit, c'est l'analyse de ce que l'homme de Dieu fait. Et il ne peut pas vous dire ces détails parce que ce n'est pas son problème, votre sacrifice. C'est-à-dire que comme les gens parlent aujourd'hui en termes d'argent, mmh. c'est parce qu'ils veulent de l'argent, comment j'ai donné mon. Quelqu'un, une femme m'avait dit, t'as une nation un jour. Et bien, ça. Maman, vous avez donc dit. Elle dit, j'avais donné mon sacrifice au foyer battu. Donc, le 10 ans après, il faut que c'est 5000 fois que la sacrifice. Pas au niveau tropical. Au niveau de tropical, en 2020. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le sacrifice a ouvert la bouche. Abraham avait-il là, c'était d'offrir le sacrifice à Dieu quand Dieu lui a parlé sur les gens de manger. Dès qu'il lui a parlé, après le sacrifice qu'il lui a donné, Dieu a parlé. Quand Dieu a tiré le dos, Abraham a commencé à réaliser le sacrifice pour attirer plus de faveur. C'est-à-dire que cette prophétie-là soit beaucoup plus claire. Elle est allée s'éclaircissant jusqu'à ce qu'il ait réussi des autels à tout d'où il arrivait. Et son fils Isaac a continué à faire la même chose. C'est pour dire que il faut une certaine proportion de sacrifices à consentir quant à notre situation. Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez par exemple quand l'homme de Dieu vous dit, parce que vous avez fait un sacrifice aujourd'hui, vous avez 25, 50, 50, 100 000 francs, 1 million, et la bouche de Dieu s'ouvre. Et l'homme de Dieu dit, revenez me voir dès que possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrer à l'autel de Dieu, refaire, écoutez, refaire des sacrifices, faites un autre sacrifice, d'autres sortes de sacrifices à Dieu. Parce que cette situation, il faut que Dieu puisse l'arranger au plus tôt possible. À ne pas confondre à ceux qui sont des détracteurs de la vérité et de la révélation, qui pensent que on parle ainsi parce que on vend la prophétie. On ne la vend pas. On ne vend pas les prophéties. Il y a aussi des gens qui sont passés à l'hôtel. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit, tout à fait. Dieu n'a rien dit. C'est ça le problème. Parfois, ça peut être le fait que votre sacrifice, vous êtes donné le sacrifice à la légèreté. À la légèreté. Vous amusez et Dieu ferme la bouche. Il ne parle pas. Vous n'êtes même pas prêt, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que c'est une histoire d'argent. Dieu ferme sa bouche. Mais quand vous bâtissez cette relation avec Dieu, vous même en tant que sacrifice, parce que vous comprenez la relation, quand vous venez, vous savez que c'est comme si vous êtes en train de provoquer le ciel. Et Dieu, paf, il se met à débuter, il part. Il faut donc aller continuellement dans le sacrifice pour pouvoir avoir la solution. Donc, c'est proportionnel, n'est-ce pas, à votre problème. Alors, comme on dit... Avant de partir, parce que dans certains sous-textes, si s'il te plaît, ça il y a des hommes de Dieu qui appliquent Lévitique 25-14. Vous venez avec votre situation, il vous dit, selon la parole de Dieu, que ce problème, c'est offrir à Dieu 5 millions de francs. Je l'ai vu au Nigeria. J'ai vu les étudiants. Le docteur est son bras. Il vous a ce témoignage. Nous étions dans une église où il était invité. C'est le prophète qui disait aux gens, toi là, dimanche, je vais trouver ici un bœuf attaché. Toi là, regarde la femme de l'homme de Dieu. Demande sa pointure. Regarde sa taille de vêtements. Je veux que tu apportes deux valises de vêtements et des chaussures ici dimanche pour la femme de l'homme de Dieu. Et sans vous mentir, nous avons vu ces choses. Ils les ont apportées. Nous sommes arrivés à l'église. On a vu des bœufs attachés dans la cour de la scène de l'église. L'homme de Dieu peut te dire ce qu'il te dit. Si tu prends ça à la légère, ça te regarde. Mais c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Je vous dis que à certains problèmes, n'est-ce pas, certaines solutions via un certain genre de sacrifice. Alors, je vais donc le dire que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Nous serons rendus ce mercredi, donc, avec la 12e pierre à la conclusion donc, de ce hôtel qui sera construit par chacune des personnes qui va donc prendre part à ce culte. À partir de 15h au temps dans son ministère de la rencontre nationale, l'homme de Dieu a demandé pour celles des personnes dont les enfants sont désormais en vacances, peut-être parce que ceux-ci fréquentent les classes intermédiaires, ne manquent pas de faire venir également vos enfants afin que chacun vienne et bâtisse son hôtel. Et cela, la 12e pierre étant une pierre spéciale, l'homme de Dieu a dit qu'elle doit également être accompagnée des sacrifices ou bien des sacrifices ou de, je parle bien des sacrifices ou bien des sacrifices également spéciales afin de faire reculer l'œuvre de la sorcellerie dans la vie personnelle, individuelle et même également nationale.